Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti, salut Alessandra. Salut Maline. Alors dans ce 25e épisode de Crépidule, nous avons décidé qu'il était temps. Et que nous allions parler du mouvement MeToo. Donc c'est toi qui, après que nous soyons allés voir une table ronde sur l'histoire des mouvements féministes à Genève, m'a annoncé, sur un ton que moi j'ai qualifié de plutôt inquiétante, « Bon Lynn, je suis désolée, mais il y a quelque chose dont nous devons parler. » Et moi, j'ai vraiment flippé, surtout que la première réaction de mon cerveau à ce type de phrase, c'est toujours de me dire « Oh non, j'ai fait quelque chose de faux ou de mal !» Donc j'étais « Hey, il faut qu'on parle de quoi ?» Et tu m'as dit, il va falloir qu'on parle de l'actualité et donc de ce mouvement MeToo ou aussi Balance ton porc et compagnie qui est né dans la foulée de l'affaire Weinstein en octobre dernier. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu que les gens disaient Weinstein. Ça te dit quelque chose ? Bon, allez, on va dire comme ça vient. Oui, parce qu'en général, on a pour habitude de laisser s'écumer l'actualité qui coule dans les médias quotidiens et autres réseaux sociaux, avec cette envie de prendre du temps de recul, de ne pas être dans la réaction. C'est aussi une manière de ne pas laisser nos pensées et nos réflexions être guidées par le flux de l'actualité et garder une certaine liberté. Mais là, c'est vrai, j'ai senti comme un besoin impérieux d'en parler ensemble. Parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas juste un fait divers. On ne sait pas quelle trace à long terme ça va laisser. Mais ça a un effet actuel de boule de neige qui devient une avalanche et qui amène la question des rapports sociaux entre les femmes et les hommes sur le tout devant de la scène. Alors moi, j'écoute beaucoup la radio. Bon, j'ai mon réseau d'information sur Twitter. Bon, celui-là, il est super à l'image de mes centres d'intérêt, donc ce n'est pas du tout représentatif, mais bon, quand même. Je lis par exemple le journal Le Monde le week-end. Et partout, cette question se pose, avec d'ailleurs plus ou moins, voire pas du tout d'intelligence. Et puis aussi, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais j'ai reçu beaucoup de questions autour de moi du genre « Qu'est-ce que tu penses de… » Et puis, je me retrouve au milieu de discussions qui s'emballent où finalement, je ne dis pas grand-chose. J'écoute ou alors je me bouche mes oreilles intérieures parce que c'est un peu trop café de commerce comme propos. Pas que je juge ce type de conversation, mais pour qu'elle m'intéresse, il faudrait pouvoir se donner du temps de construire ensemble une réflexion et ce n'est pas l'envie de ces discussions-là. Et puis aussi, j'ai un peu tremblé de diverses émotions ces dernières semaines, parce que ça remue quand même vachement fort tous ces témoignages, toutes ces émissions, ces propos sur le harcèlement et autres violences sexuelles, non ? Bon, moi, ça m'a donné la sensation encore plus vive d'appartenir à un groupe social qui peut être jusqu'à très violemment discriminé, pas toi ? Oui, tout à fait. Depuis que tu m'as annoncé que tu voulais qu'on parle de ce sujet. C'est vrai que voilà, j'ai senti vraiment physiquement que ça m'atteignait. Mais c'est vrai que juste, bon, il y a tellement de choses qui ont été dites sur le sujet, que ce soit des propos ou des analyses tout à fait pertinents et intéressants, ou bien voilà, aussi des pires débilités. Et c'est vrai que je me demandais aussi qu'est-ce que nous pouvons encore apporter de frais, en fait, à cette discussion. Et oui, alors comment est-ce que j'ai vécu un peu ce moment de préparation du podcast ? Donc, pour ma part, c'est assez ambigu parce que, en fait, quand les témoignages autour de ce qu'on appelle donc l'affaire Weinstein ont commencé à sortir et que les médias ont relayé l'affaire comme quelque chose de complètement inédit, ma réaction a été assez distante. J'étais là, oui, bon, en fait, ça va depuis tellement, tellement longtemps et par tellement, tellement de gens. Et en tant que femme et féministe, je veux dire, l'harcèlement, les agressions sexuelles, c'est tellement ancré dans mon existence, dans mon quotidien. Donc, quelque part, j'ai regardé ça de loin, mais aussi plus le temps passait et plus cette onde de choc médiatique se profilait, j'ai aussi commencé à sentir, voilà, comme je disais avant, que ça m'affectait physiquement, psychiquement, parce que tout d'un coup, il y a cette actualité donc politique, sociale, publique, qui est extrêmement liée à mon vécu personnel. Donc c'est comme une plaie ouverte sur le monde, quelque part, entre mon corps et le monde, et dans laquelle on vient comme ça gratouiller, tu vois. Chaque jour, chaque nouvelle lecture, chaque nouvelle écoute autour du sujet. Et voilà, c'est aussi des vécus de mes amis. Enfin, il y a quelque chose comme ça, comme tu dis aussi, l'appartenance à un groupe extrêmement exposé. Et puis après, évidemment aussi, les souvenirs de harcèlement que j'ai subi, qui voilà, que j'ai clairement auxquels je ne pense plus depuis des années et qui là sont remontés à la surface comme autant de poissons pourris et qui ont accompagné comme ça mon quotidien. Et voilà, avec aussi une certaine colère et une grande fatigue aussi qui m'atteint comme ça depuis que on parle de ça. Et aussi dire que voilà, si tu vas en fait sur la page Wikipédia du hashtag MeToo, de ce mouvement, il y a en fait une note qui dit que il y a beaucoup de gens en fait qui se plaignent de ces symptômes-là, de fatigue, de stress, de revivre en fait en souvenir des agressions, des harcèlements. Donc je ne suis pas la seule. Et puis, à un moment, j'étais bien obligée avant-hier de me dire que j'ai fini par être atteinte par ce mouvement, car je me suis réveillée en sursaut après un cauchemar où j'ai rêvé que je me faisais agresser par une créature qui était mi-homme, mi-porc. Oh la vache! Ouais, ça, c'est de l'incorporation. Hein. Mais avant qu'on se... Enfin, plutôt lançons-nous... avec un rappel des grandes lignes de cette actualité. Bah déjà, on peut juste préciser que le hashtag, donc ces hashtags qui fonctionnent pour regrouper thématiquement les propos sur les réseaux sociaux, le hashtag Balance ton porc, il a été lancé par la journaliste Sandra Muller, qui est fondatrice et directrice de la rédaction d'un truc qui s'appelle La Lettre de l'Audiovisuel. C'est un site d'info sur les médias. Et elle a été inspirée par un article du Parisien, un journal français, donc, qui traitait de l'affaire Weinstein, dont le titre donc était « À Cannes, on l'appelait le porc ». Et on va tout de suite poser aussi que le hashtag MeToo n'est pas du tout neuf. Il a été lancé en 2007 par une activiste afrodescendante Tarana Burke aux USA après le viol d'une jeune fille de 13 ans par son beau-père. Donc ce n'est pas une production de l'actrice blanche Alyssa Milano. Et donc ça fait voilà, bientôt 2 mois après ce 4 octobre qui a lancé ce qui est devenu l'affaire Weinstein ou l'effet Weinstein. Et comme tu dis, il n'y a rien de neuf. Les allusions publiques à son comportement, elles datent depuis longtemps. En 1998, par exemple, il y a Gwyneth Paltrow qui en a parlé. En 2005, Courtney Love. Et on trouve même le terme, quand on fait des recherches, de Harvey Weinstein Club, qui circulait à propos des hit girls, donc des actrices spécialement choisies par lui pour composer sa cour. En 2015 aussi, il y a une femme, un modèle italien, qui a déposé plainte contre lui pour des attouchements inappropriés. Elle a coopéré avec la police pour retourner le voir avec un enregistreur et lui faire dire ce qu'il lui avait fait. Ça, c'est aussi en ligne, c'est assez édifiant. Mais finalement, le procureur de Manhattan a décidé de ne pas poursuivre Weinstein pour manque de preuves, alors que l'avis des services de police, c'est qu'il y avait vraiment de quoi. Et là, on retrouve dans la presse toutes les histoires habituelles. Donc la cible de Weinstein, cette modèle italienne, elle est discréditée dans la presse à scandale. Elle finit par signer un accord en disant que rien de ce qu'elle a dénoncé n'est en fait arrivé. Un proche de Weinstein donne de l'argent pour soutenir politiquement le procureur de Manhattan. Bon, voilà. L'affaire, elle est juridiquement close cette année-là. Et le retentissement médiatique récent donc de 2017 est notamment provoqué par une enquête minutieuse qui a été publiée par le New Yorker le 10 octobre. Une enquête qui a été menée pendant 10 mois par Ronan Farrow. C'est en fait le fils de Mia Farrow et Woody Allen. Et ce jeune homme, qui est formé en journalisme et en droit, avait commencé à dénoncer publiquement les agissements sexuels de son père Woody Allen envers sa fille adoptive. Non, pas celle que Woody Allen a fini par épouser, mais encore une autre. Et dans une tribune publiée dans le Hollywood Reporter en mai 2015... C'était juste avant l'ouverture du Festival de Cannes où son père allait présenter un film hors compétition. Ronan Farrow dénonce, je le cite, « la culture du silence et de l'impunité qui entoure son père ». Il s'attaque aussi aux médias qui, d'après lui, sont incapables de s'intéresser et de révéler cette vérité au grand jour. Donc en 2016, il republie une tribune pour à nouveau dénoncer le silence des journalistes sur ces questions. Et depuis, il a recueilli le témoignage de 13 femmes. où toutes condamnent les abus sexuels qu'elles ont dû subir. Ça s'étale sur les deux décennies précédentes. Et trois d'entre elles accusent Harvey Weinstein de viol. Et puis aussi, pour poser un contexte un peu plus large à propos de ce type de mobilisation autour d'hashtags sur les réseaux sociaux et dans les médias, bon, ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, vraiment, hein, mais c'est juste pour montrer ce contexte plus large de ces mobilisations, de ces prises de parole. Donc en 2013, il y a eu en Allemagne le hashtag Aufschrei, qui veut dire le cri, après les révélations d'une jeune journaliste sur les avances que lui a faites un politicien. Et donc les Allemandes ont commencé à livrer sous ce hashtag des milliers de témoignages sur le sexisme quotidien auquel elles sont confrontées. En 2015, en Argentine, il y a le hashtag Ni una menos, pas une de moins, pas une seule en moins, pour lutter contre les féminicides. Le mot, il est si laid, j'arrive même pas à le dire. Parce que par exemple, en Argentine, il y a une femme qui meurt assassinée toutes les 30 heures parce qu'elle est une femme. Aux États-Unis, il y avait déjà aussi le hashtag Not OK en 2016, suite aux propos totalement sexistes du alors candidat Donald Trump. D'ailleurs, je me suis demandé si c'est pas toi qui l'avais lancé, parce que tu dis toujours « c'est pas OK hein. ». Et bon, peu après, en Suisse, en octobre 2016, Franziska Schutzbach, une chercheuse blogueuse sur les questions de genre, activiste féministe, elle lançait avec quatre autres femmes le hashtag Schweizer Aufschrei, le cri suisse, pour dénoncer le sexisme au quotidien. Et ce mouvement, il a fait suite aux propos d'une conseillère nationale, Andrea Geisbühler, qui a déclaré... d'un coup, j'ai un doute si c'est une femme ou un homme, Andrea Geisbühler, je préciserai dans le postpod, qui a déclaré dans ce même mois d'octobre 2016 qu'un sursis lors d'une condamnation pour viol était compréhensible quand la victime s'était montrée naïve, donc genre avait ramené chez elle la personne. Et il semble que dans ce contexte-là de ce Schweizer Aufschrei, il y a aussi eu beaucoup de témoignages issus du contexte politique. Ouais, juste pour préciser, il me semble que cette Andrea Geisbühler, il me semble que c'est une femme UDC, ouais. Ouais, alors c'est ça. Et bon, à nouveau, c'est super frustrant cette situation linguistique de la Suisse, bah, ou plutôt mon ratage total de l'apprentissage scolaire de l'allemand, parce que j'ai trouvé une flopée d'articles sur ce sujet, mais justement en allemand. Et puis il y a tout ce qui apparaît sous ce hashtag qui m'est pas trop accessible. Bah, d'ailleurs, pour moi, j'avais pas du tout entendu parler de ce mouvement avant mes recherches pour cet épisode. Et bah, je vois qu'une fois de plus, je suis beaucoup plus au courant de ce qui se passe en France que juste à côté. Bon, et puis dans mes recherches, j'ai par exemple découvert un groupe zurichois qui avait relayé cet hashtag Schweizer Aufschrei et qui s'appelle activistin.ch. Et elle semble lutter surtout pour l'égalité de salaire en occupant l'espace public de manière créative et ludique. Par exemple, elles ont fait un truc que je trouve chouette, c'est de remplir une dizaine de fontaines de la ville de Zurich avec du colorant rouge, en appelant leur action « Happy to bleed », joyeuse de saigner. Et c'était pour protester contre la TVA de 8% sur les tampons et serviettes hygiéniques. Bon, alors là, j'ai fait chauffer Google Traduction, et il me semble me reconnaître dans leur mobilisation. J'ai mis leur site dans le postpod, mais bon, question posture fine au sein des féministes, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Scheiße. Ouais, et si on retourne un peu à enfin, au contexte actuel et puis de ce qui est sorti aux États-Unis, donc autour de l'affaire Weinstein et justement de ce hashtag MeToo qui a donc été, si moi j'ai bien compris, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent sur ce sujet que parfois j'ai l'impression de pas, enfin, de pas tout voir en fait, mais. Donc, c'est une campagne créée par, comme tu l'as dit, Tarana Burke en 2007, mais par contre qui a été reprise par Alyssa Milano, qui est une actrice, une actrice blanche, que je pense que vous connaissez bien, surtout si vous êtes née dans les années 80 comme moi, et donc qui a remis en fait ce hashtag à l'ordre du jour. Et ça a fait aussi, en fait... questionner sur quelle est la place donnée aux témoignages de celles qui ne correspondent pas à la norme de la star hollywoodienne blanche. Donc Alyssa Milano, d'abord on a dit c'est Alyssa Milano qui a sorti ce hashtag, et puis après c'est sorti que non, en fait pas du tout. Et Alyssa Milano a aussi reconnu le fait que, enfin elle a donné les crédits de ce hashtag à Tarana Burke. Et en fait, il y a aussi eu là, tout récemment, je crois que c'était le 18 novembre, une controverse autour de Lena Dunham, dont j'ai pris connaissance dans un article de Charlie Brickhurst Cough sur le site de Dazed. On mettra en lien. Donc, pour rappel, juste s'il faut encore le rappeler, Lena Dunham est donc la créatrice de la série Girls, une série, dit en passant, qui a déjà été critiquée pour prétendre être la voix d'une génération de jeunes femmes, alors qu'elle représente en grande majorité seulement des femmes blanches occidentales. Mais donc, en août dernier, Dunham a posté un tweet de soutien aux victimes de viol en disant « Women don't lie about rape », donc pour traduction, les femmes ne mentent pas sur le viol, avant d'accuser, 3 mois plus tard, l'actrice Aurora Perrineau de menteuse lorsque celle-ci dénonce l'un des écrivains de la série Girls, Murray Miller, de l'avoir violée en 2012 alors qu'elle avait 17 ans. Et savoir aussi que Aurora Perrineau est une actrice racisée. Donc ce cas, en fait, a ensuite été repris par des militantes afroféministes comme exemple de quelle parole est considérée légitime et quelle parole ne l'est pas. Et voilà, pour Lena Dunham, par exemple, on dirait que la parole de toutes les femmes est légitime, sauf de celle qui accuse ses amis hommes blancs. Mais à noter aussi que voilà, le débat ici, il s'est cristallisé comme ça autour de la parole des femmes ou de la controverse entre deux femmes, celle de Dunham, qui a été très critiquée, et celle d'Aurora Perrineau. Et en fait, l'homme, donc l'auteur présumé du viol, est quelque part oublié, un peu laissé tranquille derrière tout ça. Donc voilà, cette actualité MeToo montre aussi que les femmes ne sont pas entendues de manière égale dans le débat public et qu'il faut prendre avec pincette des affirmations comme quoi ce moment serait un tournant pour toutes les femmes, alors que finalement, il ne l'est peut-être que pour, ou en tout cas pour le moment, que pour les femmes et féministes blanches et qu'il exclut encore les femmes et les féministes racisées. Et après, je pense que c'est aussi un moment où on peut remonter il y a quelques années, mais pas tant d'années que ça, en 2011, et à l'interpellation de Dominique Strauss-Kahn, qui était alors directeur du Fonds monétaire international, et si là, ce n'est pas un exemple en or d'une posture de pouvoir. Donc, son interpellation qui s'est faite suite à la plainte de Nafissatou Diallo, femme de chambre dans un hôtel pour agression sexuelle, donc Nafissatou Diallo, qui est une femme racisée. Et la parole, en fait, de Diallo a été mise tout de suite, en fait, et publiquement en doute. Et c'était très, très violent à l'époque, en tout cas de ce que je m'en rappelle. Mais ce n'est pas du tout un événement là qui a créé un soulèvement pareil à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, absolument. Après, ce qu'il y a de très positif à garder, je pense, c'est dans cet acte, après l'avoir relativisé comme tu l'as fait, la manière dont il a permis aux femmes de retourner le stigmate de la honte, hein, qui est toujours très fort dans ces histoires d'agression sexuelle, quelles qu'elles soient, où il y aura toujours ce réflexe de se sentir coupable, responsable, donc avec la solitude qui en découle, et ça a permis de casser ça. Aussi, je pense, j'avais lu un article d'Éric Fassin là-dessus, le fait que cette actualité, elle a permis, dans son retentissement, de sortir de l'image du harcèlement comme étant cantonné à la rue, avec la représentation dominante de ce type de harcèlement dans l'espace public, comme s'il était produit par des hommes qui seraient quasiment exclusivement de couleur de peau foncée, voire du fait d'étrangers, dans les deux cas aussi, des issus de classes sociales pauvres, qui au lieu d'être au travail, zoneraient dans la rue. Et là, un des bienfaits de l'effet Weinstein, c'est que ça a visibilisé toutes sortes de milieux dans lesquels se retrouve le harcèlement, que ce soit celui du cinéma, celui de la politique que tu as évoqué, de l'art, des médias en général, parce qu'il y a toutes sortes de prises de parole qui ont été faites par des femmes dans ces milieux-là, de l'entreprise. Et puis ça empêche de dire « eux ». C'est eux qui font ça, les autres, les étrangers. Et de remettre en question ce « nous », parce que c'est bien de « nous » dont il s'agit. Et c'est pour ça que j'avais aussi un peu des réticences avec ce hashtag « balance ton porc », parce que le porc, ça situe un peu des individus hors espèce humaine ou des gens qui seraient malades, Ce qui est d'ailleurs aussi souvent une stratégie de défense, de dire que c'est des personnes qui ont fait ça, qui ont des problèmes psy. Mais alors qu'en fait, c'est des individus qui sont tout à fait intégrés dans la société et éduqués dans cette posture de domination. C'est ça qui pose le plus vif des problèmes. Ouais, justement, je trouve qu'on peut vraiment réfléchir autour de cette... déjà des mots utilisés, mais aussi de la dénonciation de personnes publiques et identifiables en fait sur les réseaux sociaux et dans les médias, et à ne pas me méprendre ici, je ne juge aucunement la prise de parole des femmes qui ont subi des discriminations, des violences, des viols, mais je me demande si ce type de condamnation sur esplanade publique ne peut pas finalement se retourner contre ce mouvement, ou du moins servir la cause que de façon biaisée. Et je vais essayer d'expliquer, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans notre société actuelle, cette identification ou désignation, notamment par le hashtag balance ton porc, mais juste les désigner publiquement comme violeurs, agresseurs, harceleurs, ça fond en fait d'eux les derniers des parias irrécupérables. Et je ne dis pas qu'il faut les excuser. Mais je me demande si le fait de cristalliser comme ça la colère ou le stigmate sur quelques figures publiques, de les définir comme les plus mauvaises créations de la nature, comme intrinsèquement mauvais, est-ce que ça ne fait pas qu'on risque de passer à côté de l'analyse structurelle de ces violences, comme tu dis en fait, que de montrer comment ces agressions et comment ces hommes qui agressent existent parce qu'il y a une structure sociale en place qui les produisent, les reproduisent et légitiment leurs actes. Et aussi, par exemple, s'il s'agit d'éduquer, d'apprendre aux hommes à ne pas violer, à ne pas agresser, à ne pas harceler, je doute que ce soit forcément la bonne manière de s'y prendre que de condamner des hommes publiquement comme étant des porcs harceleurs, parce que ça m'étonnerait énormément que des hommes lambda vont se dire « Ah, moi aussi, je fais partie de ces pires mauvais, de ces parias, moi aussi, je suis un porc, etc. » Je pense plutôt que ce qui va arriver, c'est que des hommes vont se dire « Ah, mais moi, ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec ce que ces types-là ont fait, en fait. Moi, c'était de la drague. Moi, la fille, elle était d'accord. » Virginie Despentes, déjà en 2001, elle parle de ça en fait dans King Kong Theory, où il y a un passage sur le viol qu'elle a subi, mais où depuis en fait elle raconte ce viol, comment elle a vécu, et puis elle tisse toute une réflexion ensuite là autour, et donc je la cite, elle dit « Il n'y a vraiment que les psychopathes graves, violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tessons de bouteilles ou pédophiles s'attaquant aux petites filles qu'on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol, ceux qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. » Enfin, c'est juste que c'est ambigu. Je trouve que c'est, avec toute cette discussion, il y a quelque chose, on voit quelque chose de bien, puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui se cache comme ça derrière. C'est vraiment un sujet. C'est hyper complexe, en fait, les retombées aussi de ça. Oui, puis par rapport à ça, je vais rajouter à ce propos, je remonte un peu plus loin dans ma sensation, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup de la parole des femmes qui s'est libérée, mais il y a aussi tout un des propos et toute une violence sexiste qui s'est aussi libérée et déchaînée dans les médias récemment, et franchement on en entend et on en voit passer toutes les couleurs, et quelque chose qui même finit par moi me donner ajouter à ces endroits de peur que je peux avoir en moi, où tu vois par exemple il y a cette journaliste que j'apprécie vraiment beaucoup, Nadia Dam, qui intervient dans l'émission 28 minutes d'Arte avec Elisabeth Quin et qui fait aussi une chronique radio sur Europe 1 puis qui écrit aussi des tribunes sur Slate.fr je crois. Et ces dernières semaines, j'ai suivi un peu au jour le jour la déferlante de violence qu'on lui a balancée après une chronique qu'en plus je venais d'écouter, que j'avais trouvé super bien et drôle, je vous la mettrai en lien. Parce que oui, c'est tout un flot de haine qui s'est libéré ces dernières semaines. Ça a été l'occasion d'entendre très fort des voix masculinistes, des voix qui disent qu'elles sont victimes dans leurs droits et leurs intérêts de ce qu'elles qualifient d'excès du féminisme et qui n'ont pas du tout toléré les actions de Balance ton porc et autres. Avec un exemple précis d'un numéro qui avait été créé en France à distribuer aux femmes, qu'elles puissent donner aux mecs relous qui insistent comme des malades pour avoir leur numéro de téléphone. Et l'idée, c'était que ces femmes donnent ce numéro-là. Et puis, si les hommes essayaient d'appeler ou envoyaient un SMS à ce numéro, ils recevaient un SMS qui leur faisait un genre de petit topo sur combien ils avaient été lourdeaux pour recevoir ce numéro-là. Et ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu à des masculinistes qui ont menacé de viol, de mort, les deux personnes qui avaient mis au point ce numéro, un homme et une femme, qui sont allés frapper à leur porte pendant toute la nuit et qui ont réussi à bloquer cette fameuse ligne en s'organisant à travers un site jeuxvideo.com pour envoyer 2000 SMS et bloquer cette ligne. Et ben d'ailleurs, je suis tombée dans les recherches sur la définition en ligne du terme de masculiniste sur le site l'internaute, et c'est assez flippant. Regarde, écoute. Alors, la définition qu'il donne de masculiniste, c'est mouvement pour la défense des droits des hommes, de leur indépendance et de leurs valeurs. L'exemple qu'il donne, c'est le masculinisme est en plein boom ces derniers mois. Non, mais. Et le synonyme qu'il donne à masculiniste, c'est quoi ? Émancipation. Waouh. Bon, alors que j'ai continué un peu à chercher là-dessus et je suis tombée sur un entretien qui a été publié avec une anthropologue, Mélanie Gourarier, qui a enquêté pendant 3 ans auprès d'un groupe masculiniste. Elle a écrit un bouquin, alors je ne l'ai pas du tout lu, je ne peux pas en parler plus que ça, mais il s'appelle « Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ». Et tu sais, on a entendu justement 1000 fois ce truc de « oui, mais que va devenir la séduction entre femmes et hommes ? Les hommes ne savent plus comment séduire, ils ont peur. Il y a même des exercices pédagogiques pour expliquer la différence entre séduction et harcèlement. C'est quand même dingue, non, de penser qu'une personne ne pourrait pas faire la différence ? » Ouais, mais moi, ça, je pense qu'il y a déjà un truc à faire, c'est de... Enfin, il faut faire un déplacement quelque part dans le cerveau. Tu vois, genre, et de se dire, quand on parle de harcèlement, de viol, de violence, d'agression sexuelle, on ne parle pas de sexualité, on parle vraiment de rapport de pouvoir dans un système normatif genré, quoi. Enfin, c'est pas... Ouais, exactement, parce que cette Mélanie Gourrier, elle évoque la séduction, en fait, tiens-toi bien, comme l'arène principale de la reprise du pouvoir. D'après elle, l'idée serait que dans la tête de ces hommes... Donc, évidemment, toutes les femmes désiraient une relation hétérosexuelle, mais que les femmes seraient perverties par leur soif d'égalité et par le féminisme. Et donc, elles profiteraient du désir des hommes pour elles, pour prendre le pouvoir sur eux. Et donc, face à ça, il faudrait, pour ces hommes, pouvoir renverser ce pouvoir en restant les initiateurs des séductions pour rester maîtres dans ce qui est analysé par eux comme un rapport de force. D'où aussi cette idée d'un désir sexuel qui fonctionnerait, tu sais, sur la différenciation entre les femmes et les hommes, avec l'idée que le désir se baserait justement sur cette différence, et la différence, elle s'exprimerait dans ce rapport de pouvoir. D'où le succès des films qui mettent en scène la domination et la possession, comme les 50 nuances de gris et autres plus foncés, comme si c'était le fantasme absolu. Bon, il y aurait tout un sujet à dérouler là-dessus, mais c'est des éléments pour mieux comprendre ce discours sur l'art de la séduction qui serait soi-disant menacée. Et pour terminer là-dessus, je voulais aussi évoquer un truc que j'ai lu cette fois dans un entretien avec le psychiatre Serge Tisseron. Bon, c'est pas que j'adhère à tout ce qu'il pense, ce cher monsieur, mais il a avancé des propos que j'ai pas entendus ailleurs et que je trouve pertinents. Voilà, en fait, l'idée aussi qu'il y a derrière les représentations du viol ou du harcèlement, c'est que des auteurs seraient gouvernés par leurs pulsions incontrôlables. Et pour Tisseron, les agressions sexuelles, elles relèvent pas d'une perte de contrôle. Par exemple, il dit que quand un homme met la main aux fesses d'une femme, il contrôle sacrément son désir, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il aurait envie de faire avec elle. C'est plutôt un geste qui relève d'une stratégie. Quand un homme viole une femme, il ne le fait pas n'importe où, n'importe quand. Il dit que la plupart des agresseurs s'imposent comme objectif justement de maîtriser leurs pulsions pour être certains de la satisfaire au moment où ils le décideront. Il cite comme exemple le fait que dans un bureau, l'attaque sexuelle, elle n'est pas faite au moment où il y a genre quatre femmes côte à côte, mais quand l'une d'elles se retrouve seule. C'est donc pas un débordement. Ça change la représentation, non ? Mais oui, c'est sûr. Et c'est ça aussi, je pense que c'est important de penser. Et de nouveau, il ne faut pas me méprendre ici, mais ce n'est pas des figures isolées comme Weinstein ou autres qui sont le véritable problème auquel s'attaquer. Mais c'est bien les rapports de pouvoir et le système en place qu'il faut analyser et déconstruire, parce que c'est celui-là qui permet en fait que de telles agressions soient perpétrées pendant des années et des années complètement impunément. Et après, je veux dire, dans le cadre précis aussi de Hollywood, je veux dire, c'est une... Bref, tu as parlé de séduction, mais... cette critique aussi, mais... Je veux dire, Hollywood, c'est une machine qui produit ces représentations. Donc, des représentations hétérosexistes, des représentations d'abus, et en fait, qui sont ensuite distribuées à travers le monde, posées comme ça, comme normes dominantes. Et voilà, il y a... malheureusement, je ne me rappelle plus de l'auteur de cet article, mais il y a un homme qui a écrit un article sur le site Cracked, on mettra en lien, où il raconte justement comment, en fait, tous ces... Enfin, depuis son enfance, là, je crois qu'il a 35 ans, comment, depuis son enfance, tous ces films hollywoodiens lui ont appris que le consentement d'une femme ne valait rien, en fait, n'était pas quelque chose à rechercher. Et aussi... si on pense juste au domaine comme ça de l'entertainment et du cinéma, je veux dire, c'est un milieu où les conditions de travail sont, à mon avis, extrêmement instables. Donc, où on a, c'est pour parler encore de rapports de pouvoir, mais où on a comme ça des figures comme Weinstein tout en haut d'une pyramide de pouvoir ou une pyramide hiérarchique, où à la base, tout en bas, on trouve de belles jeunes femmes qui aspirent à une carrière et qui évoluent en fait dans un système où... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de contrat fixe, il n'y a pas de compétences sur papier. J'imagine énormément, ta carrière tient énormément au réseautage, aux normes de beauté, un peu à ton capital sexuel, quoi, ou de désir, comme ça, le désir que tu arrives à. Enfin, les normes, comme ça, sexuelles. Et je veux dire, ces agressions, ce harcèlement, c'est aussi l'expression d'un système de pouvoir où les femmes sont extrêmement vulnérables. Et cet enjeu aussi de la précarisation des femmes, on le retrouve dans d'autres domaines professionnels qui sont historiquement marqués par les rapports de genre et une forte structure hiérarchique. Donc il y a par exemple, on peut penser au milieu médical, où non seulement il y a des abus faits aux femmes, dans la pratique même du métier. Donc on peut penser par exemple à toutes les dénonciations faites récemment autour des violences obstétricales, mais il y a aussi des mouvements de dénonciation comme Paye ta blouse, où des professionnels du milieu médical témoignent des harcèlements et des agressions qu'elles subissent sur leur lieu de travail. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de souligner que le harcèlement, les agressions, les viols, harcèlement sexuel, agression sexuelle, je pense qu'on sait maintenant de quoi on parle dans cet épisode, mais c'est vraiment, comme j'ai dit avant, c'est pas dans le domaine de la sexualité, mais il faut bien les comprendre dans une dimension d'expression de pouvoir. Et d'ailleurs, je trouve assez intéressant qu'en manière assez concomitante, on a tout ce débat français autour du langage inclusif et de la règle de proximité. Parce que c'est comme si c'était un déplacement dans cette arène-là de discussion de toutes ces résistances à finalement une égalité entre les identités de sexe. Et on entend par rapport, il y a cette discussion sur la typographie qui déroulerait le féminin des termes. Et puis j'ai entendu tellement « c'est laid ». Non mais c'est laid. Qu'est-ce que ça vient faire ici, genre de considération esthétique à deux balles ? Parce que si on parle de laideur, moi par exemple, je trouve très très laid qu'on puisse considérer la forme masculine comme la forme d'expression neutre, universelle, dans laquelle je devrais faire un effort considérable pour me sentir concernée. Bon, on en a déjà parlé dans un de nos tout premiers épisodes, le 3, qu'on avait appelé exercice. Mais ça me fait toujours plus violence d'être adressée en tant que tous, auditeurs, spectateurs, lecteurs, au seul masculin de ces termes. Mais alors l'Académie française, qui est aussi un sacré lieu de pouvoir, ne partage pas mon point de vue. Elle prédit même un péril mortel de la langue française si on officialisait l'usage de ces points médians, comme on les appelle, et autres dérouleurs de termes au féminin. Alors par contre, ça c'est pour aller plus vite à l'écrit d'utiliser cette typographie, pour pas alourdir un texte. Et bon, bah, de toute façon, c'est pas l'Académie qui décide de notre manière d'écrire et on le fait déjà depuis longtemps. Mais alors si ça va pas, s'il faut vraiment faire dans les formes, eh ben allons-y, doublons les termes, alourdissons nos textes, visibilisons. Et de la même manière qu'à l'oral, d'ailleurs vous l'avez remarqué, ça fait depuis nos premières prises de micro qu'on se décarcasse pour soit éviter de sexuer nos phrases, genre utiliser plutôt la personne qui, ou alors qu'on double nos sujets avec auditeur et auditrice. Et précisons que si auditeur vient avant, c'est pour des raisons d'ordre alphabétique bien sûr. Et pour cette chère règle de français, le masculin l'emporte sur le féminin, dont on rappelle qu'elle n'est pas innée à la langue française, mais qu'elle a vu le jour au XVIIe pour être validée par nos chers académiciens. Oui, parce qu'évidemment, il n'y a aucune raison de féminiser ce terme, puisque c'est qu'en 1980, comme on l'avait dit, que Marguerite Yourcenar est la première femme à entrer dans cette arène. Et c'est donc au XVIIIe siècle que les académiciens évacuent cet accord de proximité, en raison que l'accord doit se faire, je cite, avec le genre le plus noble, puisque, je cite un livre de grammaire de 1767, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc là, on peut repenser à cette phrase. Et d'ailleurs, il y a un ministre français qui vient de le sortir, qui dit, voilà, le masculin universel est à utiliser parce qu'il est neutre. Je veux dire, la phrase, déjà, ne tient pas debout, parce que comment le masculin... Enfin, bref. On n'est pas assez débile pour que... Enfin, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer, mais... Et voilà, juste, on regarde historiquement, et ben on voit bien que non, c'est absolument pas neutre. Mais tu vois, si vous voulez garder le masculin universel, ben, vous pouvez faire ça, tu vois, mais au moins, soyez pas hypocrite derrière, quoi. Et puis pour finir, c'est fou parce que, tu vois, même ces luttes-là qui sont encore en plein chantier, qui rencontrent tellement de résistance, en fait, pour d'autres points de vue sur le monde, elles sont déjà dépassées. Je pense aux personnes qui sont dans des questions de transidentité. Elles sont même critiquées parce que, dans le sens où elles reproduisent dans le langage la vision binaire du monde. J'ai lu un texte du sociologue militant Sam Bourcier qui s'appelle « Fuck le point médian ». Donc ce point de milieu de ligne utilisé pour dérouler de manière comme ça contractée les termes au féminin masculin. Et dans ce texte, l'auteur évoque une véritable écriture inclusive qui devrait être neutre et non pas marquant à nouveau la différence entre les sexes. Pour bien comprendre, en fait, il faudrait lire son dernier ouvrage qui s'appelle « Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète ». Parce qu'il l'a écrit non seulement pour son contenu, mais parce que pour sa rédaction en écriture neutre. Et puis ce que j'en retiens pour moi, bah, c'est surtout cet effort pour ne pas marquer tellement les termes sexués dans mon expression, pas toujours mettre en avant l'information « c'est une femme » ou « c'est un homme », parce que la plupart du temps, ce n'est pas ça qui compte. Yes. Alors je sais que toi, tu as un deuxième sujet que tu aimerais dérouler dans cet épisode, ce 25e épisode. Mais avant ça, j'aimerais quand même revenir encore sur ce mouvement MeToo avant de le laisser à sa déflagration ou laisser continuer sa déflagration. Mais en fait, ouais, ce que je me demandais aussi, quelles sont en fait les retombées concrètes de ce mouvement, parce que une inquiétude qui, moi, m'accompagne, ou je pense qui accompagne aussi beaucoup de femmes devant cette vague de témoignages, c'est de savoir si ça va vraiment changer quelque chose ou si c'est juste un moment qui va passer comme ça sans laisser de traces durables. Et voilà, moi, je pense que c'est là aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu envie de partager mon vécu ou mes expériences à moi publiquement. Donc peut-être que je suis un peu pessimiste, mais j'ai peur quand même que tout ça finalement ne soit qu'un moment éphémère qui est déjà en train de nous filer comme du sable entre les doigts et que dans quelques mois tout soit retombé entre guillemets à la normale et que ça ne profite finalement qu'aux hommes qui pourront se rassurer d'être bons et justes en disant que voilà, on leur a bien laissé leur place de parole aux femmes et voilà, c'est tout bon maintenant. Et c'est déjà, moi, je trouve extrêmement douloureux et pénible d'avoir à repenser à l'harcèlement, aux agressions sexuelles qu'on a vécues, de les revivre comme ça en souvenir, parce que toute cette vague MeToo les font remonter à la surface. Alors, en plus, les partager publiquement, avec le risque de, encore une fois, ne pas être prise au sérieux, ou peut-être encore pire, ne pas avoir le contrôle sur comment ces témoignages ou ce témoignage sera utilisé ou encore instrumentalisé, alors je refuse. Pour savoir un peu quelles sont déjà les retombées concrètes qu'on peut voir, il y a aussi Caroline Dyer, experte sur les questions de discrimination et qui est déjà venue au micro de notre pod, qui a souligné dans une récente émission sur le sujet à la radio suisse romande que ces témoignages permettent donc de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Et elle ajoute aussi que voilà, des témoignages d'actrices à Hollywood sont des personnes qui ont une place de parole importante, peuvent finalement permettre, grâce aux réseaux sociaux, à une jeune fille, par exemple à la campagne genevoise, de se dire « je ne suis pas la seule à avoir vécu ça », ou encore de se dire « ce que j'ai vécu, c'est un harcèlement sexuel, c'est une agression, c'est un viol ». Donc ce mouvement inspire aussi à la mobilisation, que ce soit sur un plan individuel ou aussi plus large. Et il y a aussi eu de nombreuses manifestations dans la rue, des occupations de l'espace public pour dénoncer les violences genrées qui ont eu, en fait, ces manifestations ont eu lieu depuis octobre. Et d'ailleurs, ce samedi 25 novembre, donc demain, malheureusement, ce sera déjà passé quand on publiera le podcast, puisqu'on est vendredi 24 quand on enregistre. Ce samedi 25 novembre, il y aura un rassemblement à Genève. Oui, parce que c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Je vais même dire, Alessandra, que c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Ok. oui, et puis j'ai aussi lu en fait dans un article sur le site du journal Libération qu'en France, la police a enregistré une hausse de 23% de plaintes pour violences sexuelles en octobre, ce qui représente en fait 445 cas de plus si l'on compare à octobre 2016, donc il y a une année. Et on peut supposer que ces chiffres ne montrent pas que les femmes subissent davantage de violences, mais plutôt qu'elles se sentent davantage légitimes à dénoncer les agressions à la police. Mais maintenant, il y a aussi d'autres problèmes qui sont d'actualité suite à cette augmentation de plaintes. Et c'est que les organisations et les institutions qui viennent en aide aux femmes qui ont subi des violences et qui souhaitent passer par une procédure judiciaire sont débordées. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est extrêmement difficile de poser plainte pour harcèlement sexuel, notamment en raison de l'absence de preuves, puisque, par exemple, une main aux fesses, ça ne laisse pas de traces repérables. Et dans le cadre plus précis de l'harcèlement sexuel sur le lieu du travail, ça peut être très problématique parce qu'il y a du coup souvent pas d'autres preuves que la parole de la personne harcelée. Et le cadre de définition du harcèlement sexuel étant assez large pour laisser de la marge dans l'interprétation. Par exemple, sur le site de la Confédération suisse, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, le BFEG, met à libre disposition un document qui se veut un outil pour mieux identifier le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Et dans ce document, on peut lire la phrase suivante, je cite, « Une règle simple permet de déterminer si une situation constitue un simple flirt, un début de relation amoureuse ou sexuelle entre collègues, ou au contraire un cas de harcèlement sexuel. Ce qui distingue les deux types de situations n'est pas l'intention de la personne à l'origine de l'acte, mais la façon dont il est ressenti par la personne concernée, le caractère désiré ou non du comportement. » Ok, fin de citation. Mais en sachant que la parole des femmes est socialement dévalorisée et remise en question constamment, on peut se demander si cette règle est vraiment si simple que ça. Et pour donner un exemple plus pratique, dans un article du quotidien Genevois, La Tribune de Genève, Véronique Ducret, qui est donc directrice du deuxième observatoire, qui est un institut suisse roman de recherche et de formation sur les questions de genre. Véronique Ducret, elle dit que dans 80% des plaintes déposées, non mais je prends une voix, mais c'est tellement énorme, donc dans 80% des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les victimes perdent, et que beaucoup de femmes ne portent plainte qu'une fois qu'elles ont été licenciées, parce qu'elles n'ont alors plus rien à perdre. Et c'est clair que si tu pars avec une probabilité pareille, c'est-à-dire une chance sur 5 d'aboutir, ce qui veut dire aussi, si on inverse le chiffre, tu as une chier de chance de te faire licencier ou de devoir continuer à travailler à côté de ton harceleur, qui a été du coup innocenté, plus ou moins publiquement. Peut-être que tes collègues sont au courant. Enfin, franchement, je pense que tu réfléchis 3 fois. Et plus, en plus, on peut penser au fait que si toi, à quel degré toi ou encore toi et ta famille sont dépendantes de ton travail, je veux dire, t'hésites encore plus. Mais moi, j'ai même entendu, j'ai plus le chiffre exact, donc je vais pas dire de bêtises, mais des statistiques en France qui disaient, mais vraiment, c'était je crois, 95% des cas avérés, donc attestés devant la justice de harcèlement, le 90% et quelques des femmes-là, reconnues comme une cible, perdaient leur emploi de toute façon. Ouais. Ouais, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement parlant en fait, comme ça, et concrètement en fait aussi. Donc on parle de 95%, mais après on peut se dire combien de personnes il y a qui aussi osent en fait finalement porter plainte. Il y a un hélicoptère qui passe, on est assise aujourd'hui au parc des Eaux Vives, au bord du lac à Genève, donc tous les petits bruits que vous avez entendus, écureuils, enfants, autres, voilà, comme ça vous savez d'où ça vient. Donc concrètement, si on regarde les chiffres, le harcèlement sexuel reste tu, en tout cas juridiquement, dans des milieux professionnels où pourtant des femmes ont dénoncé des discriminations genrées. Donc avant, j'ai parlé par exemple de, enfin j'ai mentionné Paye ta blouse. Et par exemple, selon un article du 18 novembre de cette même tribune de Genève, aux HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, depuis 2010, seulement 4 personnes se sont renseigné auprès du groupe Confiance, qui est donc apparemment l'organe ressource en cas de harcèlement sexuel, et seulement 2 cas ont abouti à des licenciements, sachant que cette institution compte 11 000 employés. Chez Nestlé, et je cite encore l'article de La Tribune pour les chiffres, une dizaine d'atteintes à l'intégrité de la personne ont été identifiées ces 2 dernières années parmi 330 000 salariés. Enfin, je veux dire... C'est tellement énorme. Bon, je crois que c'est en tout cas pour moi tout ce que j'ai plus envie de parler de ce sujet maintenant. On passe. Donne-nous de la force, Alessandra. Voilà, alors je l'avais annoncé, donc je m'y tiens. Et en plus, je trouve qu'il offre un contrepoint à notre première partie de podcast assez ravigorante. C'est mon jujitsu, chérie. Jujitsu. Bon, alors déjà, je précise que je suis un peu impressionnée parce que je vais en fait m'appuyer pour cette petite réflexion sur un ouvrage de la philosophe Elsa Dorlin qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence ». Et je suis assez impressionnée parce que je suis très, très admirative de la capacité de cette femme à faire émerger une problématique par sa capacité d'analyse et aussi parce qu'elle maîtrise le verbe de manière vraiment fulgurante. Moi, je suis très, très admirative par rapport à ta capacité de mettre la main sur des ouvrages qui viennent de sortir d'impression. Comme quoi, même les vieilles, elles restent dans le coup. Bon, mais alors je vais poser comme cadre à mon propos que, en fait, c'est surtout une invitation à aller découvrir le propos de cet auteur plus qu'autre chose. Il y a aussi des trucs audio à écouter d'elle qui sont sur le post-pod. Et là aussi, j'aime beaucoup, beaucoup sa voix. Bon. Donc dans cet ouvrage, elle analyse à la fois les techniques défensives du pouvoir en place, qui va discriminer en fait qui a le droit et la légitimité de se défendre et qui n'a pas le droit de le faire, quitte à payer de sa mort. Et évidemment, le privilège de se défendre concerne une minorité de classe sociale dominante. Et la négation du droit à l'autodéfense touche plein de populations, on va en parler après. Elle décrit par exemple l'histoire du port d'armes, qui a marqué un accès différencié en termes de position sociale, justement, à l'accès à la défense de soi, ou encore les différents codes noirs qui ont été écrits pendant les périodes esclavagistes ou autres décrets coloniaux qui ont interdit aux populations noires de porter des armes et tout ce qui pouvait permettre de s'entraîner, de se préparer à la révolte. Par exemple, au XIXe siècle, dans le contexte esclavagiste des USA, en Louisiane, il était strictement interdit à un noir d'être, tiens-toi bien, en possession d'un crayon ou d'un stylo, sous peine d'être condamné pour tentative de meurtre, et donc pendu. Bon, ce chapitre, il s'appelle « La fabrique des corps désarmés », et c'est vraiment, vraiment édifiant de lire à quel point cette notion de droit à l'autodéfense qu'elle mobilise dans cet ouvrage, donc ce droit ou pas à l'autodéfense, incarne des processus de domination dans nos sociétés, et puis à quel point ça fabrique des rapports au monde différenciés. Et évidemment, si on connaît un peu Elsa Dorlin, on sait qu'elle va aussi dérouler tout le pendant de ce dispositif de pouvoir qu'elle documente et qu'elle analyse, c'est les contre-pouvoirs. Elle trace une généalogie de l'autodéfense, comme elle dit, qu'elle soit noire, juive, queer ou féministe. Peut-être je reviendrai dans d'autres épisodes sur ces différentes histoires, mais donc là, je vais parler de jujitsu, elle a un chapitre qui est consacré. Parce que oui, finalement, dans cette histoire de harcèlement envers les femmes, il y a la question de la défense de soi qui agit en plein. Non, peut-être juste préciser pour nos auditeurs et auditrices que toi, tu fais du jiu-jitsu. Si tu crois que j'ai laissé ça de côté, tu vas voir. Pour une fois, je vais parler de moi. Donc voilà, il y a cette question de la défense de soi qui est en jeu et aussi la manière, comme le dit Elsa Dorlin, dont il faut désapprendre à ne pas se défendre. Et donc voilà, ouais, y a un peu ce réflexe qu'on a, enfin c'est pas un réflexe, mais cet apprentissage qu'on a eu dans la lignée des outils féministes, de faire des parallèles entre vie privée et théorie, entre vie privée et politique. Et puis bah, je me suis rendu compte que justement dans ma pratique du jujitsu, c'est tout un apprentissage que j'ai à faire. Et là, en parlant d'apprentissage, je ne parle pas des enchaînements, de la juste position des mains, des jambes, des noms japonais, des différentes clés. Mais l'apprentissage qui vraiment m'engage jusqu'à l'os, il est ailleurs. Bon, alors je précise, je vais 2 fois par semaine normalement et chaque séance, en fait, a son lot de surprises niveau corps à corps, vu que je pratique en général avec des partenaires différents. Il y a d'ailleurs un des 2 cours où les enseignants nous font changer de partenaire toutes les 10 minutes. Et je trouve ça vraiment bien parce que à chaque fois que tu rencontres un autre corps, c'est une autre énergie en face, une autre histoire. Alors dans ce contexte, il y a une fois, tu sais, genre « Ouais, on va faire un truc spécial avant les vacances, c'est pour s'amuser ». Et alors là, on s'est équipé de protection, les bras, les poignets, les tibias, et vraiment, ça a été le fight. Et en plus, comme moi je viens de commencer, je te dis pas l'énergie, à défaut des techniques, que j'ai dû mobiliser pendant cette heure de combat. Parce que bon, quand t'es équipé, c'est autre chose, tu t'engages pas de la même manière, t'y vas. Et je suis sortie de là, j'étais tremblante. Je suis rentrée chez moi quelques heures après, avec cette phrase dans la tête, « Putain, je me suis fait castagner !» J'avais même reçu un sacré coup de poing à la tempe, un autre en plein sein, le sein droit, et tout ça, ça pulsait encore bien fort. Je me suis levée le lendemain, le corps, mais vraiment comme passé sous un rouleau compresseur XXL, et plus tard des bleus, enfin des jaunes, parce que je crois que tu connais ça, mais ça fait des marques jaunes, en fait, les coups, sur tout le corps. Et là, j'ai observé ce que ça me faisait. Et en fait, c'était à la fois un peu choquant, tu vois, sous le thème « je me suis fait castagner, ils n'ont pas fait attention au fait que j'étais une débutante, merde !» Et puis de l'autre, assez curieuse. « Tiens, ça fait comme ça au corps des coups, ça laisse ça comme trace. » Et puis aussi une sorte d'excitation du genre « Eh, même pas mal, je peux traverser tout ça !» Et Dorlin, elle, dans différentes interviews, elle parle de « modifier sa culture musculaire ». Parce que se confronter à cet engagement musculaire, à l'ampleur du mouvement, à la frappe, c'est un geste révolutionnaire par rapport à toute la socialisation faite au corps féminin. Elle parle vraiment dans le détail de tout cet aspect corporel, de serrer les poings, de contracter les muscles, ou une posture pour balancer un coup le plus efficacement possible. Parce que la socialisation féminine vise non seulement à ne pas nous encourager à entraîner nos corps à ça, mais comme le dit Dorlin, à nous désapprendre à habiter nos corps. Et alors donc, je te raconte encore un autre épisode, peu de temps après ce baptême du combat, dans le cours plus tranquille, ouais, c'est écrit « soft » sur le programme. C'est le cours où tu restes en fait toute la séance avec le même partenaire, plus plan-plan. Et bon, un soir, je tombe sur un inconnu, et je t'assure, j'en ai pris pour mon grade. Tu vois, un gars, en fait, comme ça, quand on peut se méprendre sur les apparences, il avait un aspect assez intello, comme ça, des articulations toutes fines, assez pas très grand, genre tout pelissé, tu vois. Bon, quand même, ceinture marron, et puis qui dégageait un peu une posture, genre limite, j'aurais eu envie de m'excuser, de lui faire passer son temps de pratique avec ma minable ceinture blanche, tu vois. Et en fait... C'est pas comme il avait imaginé. Je veux pas parler des autres femmes qui pratiquent ce sport, et il y en a plus d'une, parce qu'il y en a de toutes sortes, j'ai pas combattu avec chacune, mais je sais que les partenaires avec qui j'ai pratiqué, que ce soit des femmes ou des hommes, ils me renvoient que j'ai particulièrement de la niaque. Et moi, je sais, je ressens que je mets vraiment une intention, qu'il faut maîtriser, mais je mets vraiment une intention à mes gestes. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis fait castagner le cours où on s'est équipé, genre donnant. Mais bon, le gars, ce soir-là, je sens qu'il est un peu surpris. Et puis tout d'un coup, je fais un truc faux, j'imagine. Et il me dit « Oh, c'est chou ! C'est chou ! » Dis donc, t'as idée du nombre d'années que ça fait où je me suis pas pris cette expression dans la figure. Et en plus de l'entendre là, quand t'es en train de pratiquer un art martial, c'est vraiment spécial. Sur le moment, j'y pense pas vraiment, mais je souris pas. Et puis je lui renvoie un regard genre « C'est nul ce que tu viens de dire ». Et au cours de la séance, et à ce coup-là, on s'entraîne au combat au bâton. Et je te dis pas, le bâton, c'est dur. Et je sens que le gars, ben, en fait, il marque de plus en plus les coups. Tu sais, genre bien appuyé sur mes avant-bras, ça fait super mal, il n'y a pas de chair. Et puis vraiment, je ressors de là, je suis dégoûtée. Je rentre chez moi, mais alors vraiment en grosse colère contre le gars. Je me sens dégoûtée d'un lieu de pratique qui en fait n'est pas sécure. Et puis même limite avec le doute de savoir si j'ai encore envie de m'exposer à ça. Et alors, comme j'en ai pris le réflexe dont je parlais avant, le lendemain, je cherche à me connecter à quelque chose qui peut m'aider à réfléchir. Et je tombe sur un podcast d'Arte Radio, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle « Un podcast à soi ». Et leur épisode à ce moment-là, c'est justement les combattantes. Et c'est construit autour de témoignages de femmes qui pratiquent la boxe, où elles décrivent précisément ce que j'ai vécu la veille. C'est que dans ces espaces masculins, ça passe pas, voire c'est insupportable, une femme qui envoie des coups. Le gars de ce soir-là, entre son « c'est chou » que j'ai refusé et ses coups de bâton marqués, là aussi, ben, je te dis pas, mes avant-bras, c'est devenu des vrais champs de colza jaune. Ben, il a voulu, peut-être même inconsciemment, je dis pas, hein, mais me remettre à ma place soi-disant féminine. Et cette boxeuse, elle décrit exactement à quel point certains hommes ont marqué spécialement les coups sur son corps. Et puis, ben, voilà, ça m'a vachement aidée de l'entendre pour faire le tour du cadran de mes doutes, parce qu'au lieu de renoncer, elle m'a vraiment inspirée avec ses propos. Ne pas faire la naïve, oui, il y a encore un aspect subversif à mettre les pieds dans ces endroits. Il faut apprendre à encaisser les coups, ne rien montrer. Et Dorlin, mon autre inspiratrice sur ce coup-là, c'est le cas de le dire, évoque justement cet apprentissage de savoir endurer les coups, à la fois psychiquement, physiquement, nerveusement. Alors, haut les cœurs, on y va. Et en plus, il y a toute cette histoire féministe du jujitsu dans laquelle puiser des forces. En Occident, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé au Japon, elle est située toute fin 19e, début 20e. À la fin du 19e, par exemple en Angleterre, le port d'armes, il est super réglementé. Alors il va y avoir tout un engouement pour les techniques de pratique martiale hybride, avec des Anglais qui ont vécu au Japon quelques années et puis qui ramènent les techniques apprises là-bas. Et il y a des clubs qui se montent et puis qui acceptent des femmes, aussi parce que c'est un art martial, c'est pas comme la boxe, qui va transformer beaucoup les corps. Et puis voilà, donc ça permet de le pratiquer depuis une socialisation féminine. Et il y a aussi le fait que c'est un art qui provient des subalternes, des Japonais, donc en fait il est assez dénigré. Alors bon, ça va, il peut être enseigné aux femmes blanches. Et en même temps, il y a tout ce combat des femmes pour obtenir le droit de vote qui bat son plein à cette époque en Angleterre avec les suffragistes. Et ce combat-là, des suffragistes, il ne peut pas se faire dans le cadre de la loi, pacifiquement. Parce que c'est justement l'État qui maintient cette oppression des femmes. Elles ne peuvent pas demander à l'État justice, puisque c'est justement lui qui institutionnalise cette injustice sociale. Ces femmes ne peuvent pas donc demander à l'État de les défendre. Et alors, elles vont mettre en mouvement ce constat, comme dit Dorlin, elles vont donner corps à ce positionnement analytique. Il y a toute une histoire dans ces mobilisations de cette époque avec des stratégies de revendication différentes, mais il y a le Women's Social and Political Union, le WSPU, qui est fondé par Emmeline Golden Pankhurst, qui va pratiquer des actions directes dans la rue, par exemple en s'enchaînant aux grilles, aux lampadaires, elles incendient des bâtiments. C'est elles qu'on va appeler les suffragettes pour les différencier des suffragistes qui utilisaient d'autres moyens de revendication. Et ces suffragettes, elles sont enfermées en prison, elles font des grèves de la faim. Et d'ailleurs, l'État va pratiquer avec elles le principe du chat et de la souris. C'est-à-dire que quand vraiment elles étaient au bout de leur grève de la faim, on les laissait sortir. Et quand elles étaient hors de danger, qu'elles avaient recommencé à s'alimenter, paf, on les enfermait à nouveau. Ça jusqu'à une nouvelle loi qui autorisait les gens des prisons à les nourrir de force avec un tuyau enfoncé dans la bouche ou dans le nez. Tu vois, ça rigolait pas vraiment. Bon, et bien ce groupement, le WSPU, va se former au jujitsu avec une femme, Edith Garu, comme formatrice. Et cette Garu, ou Garud, elle va ouvrir un club de self-défense à Londres où l'autodéfense devient un art total. Je te lis vite comment Elsa Dorlin définit cet art total. L'autodéfense devient effectivement un art total en raison de sa panoplie de techniques martiales pragmatiques et efficaces, mais surtout en raison de son aptitude à créer de nouvelles pratiques de soi qui sont autant de transformations politiques, corporelles, intimes. En libérant les corps des vêtements qui entravent les gestes, en déployant les mouvements, en détournant, dévoyant l'usage d'objets familiers, parapluies, épingles, broches, manteaux, talons, en ravivant des muscles, en exerçant un corps qui habite, occupe la rue, se déplace, s'équilibre, l'autodéfense féministe instaure un autre rapport au monde, une autre façon d'être. Ainsi, en apprenant à se défendre, les militantes créent, modifient leur schéma corporel propre, qui devient alors en acte le creuset d'un processus de conscientisation politique. Et de manière pragmatique, ces techniques d'autodéfense vont leur permettre de se défendre de la police, mais aussi des hommes qui les agressent quand elles manifestent. Et leur stratégie mêle des techniques de combat rapprochées au corps à corps, que du coup elles savent pratiquer, mais aussi des techniques de ruse, tu vois, un genre effet surprise face aux représentations sexistes qu'une femme ne pourrait pas se défendre. Par exemple, elles dissimulent des armes sous leurs vêtements, elles se déguisent, elles coupent les bretelles des pantalons des policiers pour les empêcher de les poursuivre, elles aveuglent la police en ouvrant une armée de parapluies. Ou alors, elles attaquent les chevaux lors des charges de police montées. Tu vois, elles donnent des coups. Je ne sais pas comment on appelle le genou d'un cheval, mais disons que c'est un genou derrière le genou du cheval, ce qui va faire fléchir le corps du cheval. Paf, le policier y tombe et il peut plus la poursuivre. Donc voilà, elles mettent en pratique une véritable guérilla urbaine élaborée. Et le jujitsu correspond comme ça à un manifeste de l'autodéfense féministe. Par exemple, Dorlin évoque un texte que la formatrice Garoud a écrit qui s'appelle « The world we live in, self-defense », le monde dans lequel on vit, c'est autodéfense. Elle y résume la philosophie pragmatique de l'autodéfense féministe. Elle part du constat, et ça c'est vraiment hyper intéressant, de la différence de force physique entre les femmes et les hommes. Donc là aussi on pourrait refaire toute une histoire de comment elle se construit, mais partons de ce constat de différence de force physique. Et elle pense le jujitsu, comme souvent dans les arts martiaux asiatiques, comme un ensemble de techniques qui utilisent la force de l'assaillant pour la retourner contre lui-même. Et du coup, permet d'instaurer une égalité entre les femmes et les hommes dans ce type de combat. D'où la dimension politique du jujitsu. C'est pas que le jujitsu soit un moyen pour conquérir l'égalité, forcément, mais il est un processus d'incorporation, de mise en action, de réalisation de l'égalité. C'est fascinant, non ? Ouais. Oui, c'est fascinant. Et justement, peut-être pour revenir un peu sur ce que tu as dit et faire le tour aussi avec ce dont on a parlé dans la première partie de cette émission. Virginie Despentes, elle parle aussi de ça dans ce chapitre, dans King Kong Theory, sur le viol. Donc elle parle de ce qu'elle nomme, je la cite, de cette entreprise politique ancestrale implacable qui apprend aux femmes à ne pas se défendre. Et elle parle aussi de cette colère qu'elle a, qu'elle est furieuse contre un système, contre une société qui l'a éduquée à ne jamais... elle dit « Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. » Et justement, elle s'étonne ou elle pose ce truc de qu'en est-il de la transmission du savoir? Comment est-ce qu'on... Voilà, de l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes, de la sociabilisation des filles. Et elle dit, c'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne dise rien aux jeunes filles, pas le moindre passage de savoir, de consignes de survie, de conseils pratiques simples, rien. Et peut-être c'est là aussi une piste pour poursuivre ce mouvement de témoignage, ce mouvement MeToo. C'est alors ok, maintenant on a identifié, peut-être alors maintenant développons des outils, quoi. Oui, et c'est pour ça que je voulais parler du jiu-jitsu, parce que, ok, tu peux apprendre des techniques concrètes pour détourner un corps agressif, mais c'est tout ce qui se joue en soi, de droit à l'estime de soi, de droit à l'autodéfense, de droit au positionnement. Et c'est pour ça que j'ai partagé ces expériences, parce qu'il y a tout ça qui se joue dans ce qui peut paraître assez banal d'un sport, certes de combat. Mais, et ça, je pense qu'il faut vraiment encourager justement ces toutes jeunes générations à occuper leur corps, à l'habiter et à sentir cette puissance d'agir qu'elles ont, mais absolument en elles. C'est ça, et d'apprendre aux jeunes femmes ou aux petites filles, en fait, de ne pas voir leur corps comme des projets qui pourraient être constamment improved, améliorés pour plaire finalement aux autres. Mais de commencer à voir leur corps comme des outils pour maîtriser son environnement. On commence à avoir froid. Hein. Ça commence vraiment à peler, puis j'ai très besoin de faire pipi, moi. Alors, c'est bon, on va aller faire pipi, boire des bières, et dans 3 semaines. Tchuss. Et puis merci, Lynn, de t'être embarquée dans ce sujet d'actualité. Merci beaucoup. Bonne semaine, bonne suite. Ciao. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.